ça, deux fois, drop ça, drop ça. Deux fois. Faceplay avec la pièce, il était deux fois. C'est dans le palmarès francophone de C'est fou et vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et en voici le bloc F5, jeux vidéo. On commence avec Nintendo qui va développer un jeu pour arrêter de fumer basé sur la méthode du célèbre britannique Alan Carr, qui avec ses livres et ses cliniques a aidé plus de 10 millions de fumeurs à abandonner la cigarette une fois pour toutes. Le jeu conçu par Ubisoft et Nintendo sera disponible en novembre 2008 sur Nintendo DS. Dans ce jeu interactif, les fumeurs introduisent les détails de leurs habitudes tabagiques et sélectionne le coach qui les aidera à appliquer la méthode Carr. Et je cite, « Les joueurs peuvent se plonger totalement dans ce jeu où ils réalisent qu'il est en fait amusant d'arrêter de fumer », assure le vice-président chez Ubisoft. Ancien comptable Alan Carr a fait fortune en 83 avec ses manuels et ses cliniques pour arrêter de fumer, basé sur la méthode Easy Way. Gros fumeur ayant abandonné la cigarette à la quarantaine, il est décédé en 2006 à l'âge de 72 ans d'un cancer du poumon. Toujours chez Nintendo, le fabricant de consoles et éditeur de jeux vidéo japonais a lancé au Japon de nouveaux services en ligne pour les possesseurs de sa populaire Nintendo DS. Une vingtaine de McDo de Tokyo, pour la plupart ouverts 24 heures sur 24, vont tester pendant un mois les réactions de leurs clients à des offres de contenu visible ou téléchargeable sur la console DS à l'aide d'un petit logiciel spécial de navigation offert par Nintendo. Ce dernier inaugure ainsi ses Nintendo Spots, promis depuis quelques mois déjà. McDo présente ainsi ses menus, les recommandations saisonnières, les nouveautés ou les promotions et offre des coupons de réduction ou des petits cadeaux virtuels. Nintendo enrichit pour sa part ses contenus en proposant des démonstrations gratuites de jeux à télécharger. Par ailleurs, une filiale du premier opérateur de télécommunications japonais NTT a également mis en ligne des services spéciaux pour DS, accessibles à bord des trains Tsukuba Express. Ces derniers sont souvent peuplés d'accros du jeu vidéo puisqu'ils desservent, à longueur de journée les gares des quartiers des nouvelles technologies de la banlieue nord de Tokyo. Les passagers possesseurs de DS peuvent se connecter à une plateforme spécialement dédiée aux consoles DS baptisée Wi-Fi for DS et y trouver des informations diverses et des jeux. Les consoles de jeux DS et DS Lite de Nintendo, bon, les petites machines à deux écrans qu'on connaît tous, près d'un Nippon sur cinq en possède déjà une du fait de la diversité des jeux et autres programmes qui les accompagnent. Voilà, la nouvelle vient de l'agence France Presse. On passe à Sony maintenant. Kaz Hirai, le président de Sony Computer Entertainment, a récemment annoncé lors d'une entrevue que Sony pourrait revenir sur sa position concernant le refus d'acheter des exclusivités PS3, position qui était celle de Phil Harrison avant son départ de chez Sony. Kaz Hirai explique que, idéalement, les exclusivités se discutent à l'amiable avec les éditeurs, mais qu'en raison des coûts de production croissants qui nécessitent des investissements importants, il leur devient de plus en plus difficile de prendre de telles décisions. Pour cette raison, Sony pourrait à l'avenir mettre de l'argent sur la table pour motiver les éditeurs réticents à l'exclusivité. On note bien le conditionnel, par contre, étant donné que Hirai précise que rien n'est encore décidé. Ce qui est par contre fort probable à court terme, selon le patron de SCE, c'est que Sony passe des accords avec les développeurs pour proposer du contenu supplémentaire, lui qui serait exclusif aux versions PS3, tirant ainsi partie des capacités du Blu-ray. Les versions PS3 des jeux multiplateformes seraient ainsi rendues plus attrayantes que les autres pour les consommateurs. Parlons un peu de Microsoft maintenant. Comme Microsoft l'a annoncé la semaine dernière, plusieurs jeux seront retirés du Xbox Live Arcade. Les titres en question devront répondre aux règles suivantes. Je vous le rappelle, ils doivent dater de plus de 6 mois, donc 6 mois d'ancienneté. Ils doivent être téléchargés par moins de 6% des joueurs après la phase d'essai. Et leur score doit être inférieur à 65% sur Metacritic, qui est un rassemblement des critiques les plus reconnues. Donc après l'épluchage de la liste, le constructeur américain est en mesure de donner une première fournée de titres qui vont disparaître du service de téléchargement dans quelques mois. Donc si vous voyez des jeux qui vous intéressent, il y a quand même quelques bons titres là-dedans. Vous savez donc ce qu'il reste à faire avant qu'il soit trop tard. Je vous en nomme quelques-uns. Asteroids et Asteroids Deluxe, Centipede et Millipede, Double Dragon, Echo the Dolphin, Pac-Man, Shrek and Roll, Tetris Splash et Zevius. Voilà donc c'est quelques exemples de jeux qui seront plus disponibles sur Xbox Live Arcade. La liste est dans l'article qui s'appelle « Les jeux Xbox Live Arcade » sur la sellette sur le site de l'émission au www.unechance.com. Toujours dans le domaine de Microsoft, après avoir étendu la capacité de ses jeux Xbox Live Arcade à 350 MB, puis annoncé un grand nettoyage du printemps de son catalogue en ligne, Microsoft compte désormais montrer la voie aux développeurs en proposant du contenu en ligne réalisé par sa propre équipe. La célèbre firme devrait donc rapidement investir dans le recrutement de développeurs maison Ils devront assumer la lourde responsabilité de montrer l'exemple sur Xbox Live Arcade, l'idée principale restant de privilégier la qualité à la quantité tout en faisant preuve d'originalité. Le directeur des produits, Aaron Greenberg, se veut confiant pour l'avenir de sa plateforme de téléchargement de jeux en ligne. Il est d'ailleurs convaincu que grâce aux mesures prises par Microsoft, les développeurs prendront leur temps et se concentreront plus que jamais sur la qualité pour s'assurer que le produit est bien accueilli. Cependant, selon certains observateurs, la créativité des designers pourrait être menacée par cette obligation de résultat. Inquiétude balayée d'un revers de main par M. Greenberg qui déclare que, et je cite, « Beaucoup de jeux bénéficiant d'un concept unique reçoivent de bonnes critiques justement parce qu'ils sortent du lot. » Donc, vous vous rappelez tantôt les trois règles. Une des règles était d'avoir un score de moins de 65% sur Metacritic, donc ça veut dire que même la critique l'aime pas. Parce que ça se peut qu'un jeu soit pas beaucoup téléchargé ou les gens ne passent pas du mode d'essai au mode complet, mais que la critique soit bonne. Dans ce cas-là, les jeux vont rester quand même sur Xbox Live Arcade. Donc, M. Greenberg s'est également voulu rassurant sur le futur des jeux réalisés par la communauté des joueurs à l'aide de l'outil de développement amateur XNA. En effet, les jeux de la communauté ne seront pas soumis au même processus de certification et ils ne devraient pas être notés comme les titres officiels du Xbox Live Arcade. Valve a annoncé qu'elle lancera un tout nouveau système pour son service de distribution en ligne Steam, nommé Steam Cloud. Ce système conservera vos sauvegardes de jeux ainsi que vos fichiers de configuration indéfiniment. Les premiers jeux à supporter ce système seront Half-Life 2 et Half-Life tout court. Les touches modifiées de Counter-Strike seront aussi supportées par Steam Cloud et le jeu Left 4 Dead viendra par défaut avec le système. Selon Valve, si vous êtes hors ligne, Steam Cloud conservera vos données et puis les ajoutera au réseau de la compagnie lors de votre prochaine connexion. Ces données seront gardées en mémoire pour toujours, du moins selon ce que Valve affirme. À noter que les développeurs auront accès à Steam Cloud gratuitement afin de l'incorporer dans leur jeu. Il est impossible de dire pour l'instant quand paraîtra Steam Cloud, bien que Valve ait stipulé que le système verra le jour dans un avenir rapproché. Par ailleurs, Valve a dévoilé plusieurs autres nouveautés en développement pour Steam. En plus d'une mise à jour automatique des pilotes et d'un calendrier, le studio conçoit en ce moment une vérification du système pour son service. Ce programme analysera votre configuration puis la comparera à plusieurs autres afin d'estimer la performance de votre machine. Par après, il vous suggérera différentes mises à jour selon ce que vous possédez. Enfin, Valve pense aussi à stocker sur ses serveurs des reprises vidéo et des images prises à l'aide de la Kill Cam tirées de jeux tels que Team Fortress 2 et Day of Defeat. Le jour des petits pieds, j'aime ça. GamesIndustry.biz rapporte que lors d'une récente conférence organisée aux États-Unis par la firme Wedbush Morgan Securities, le fondateur d'Atari, Nolan Bushnell, a déclaré que la solution au piratage viendrait d'une solution matérielle. Mm-hmm. Une simple puce baptisée TPM, ou Trusted Platform Module, déjà montée sur certaines cartes mères pour PC qui devrait bientôt l'être sur la majorité d'entre elles, permet en effet de crypter diverses données et d'assurer ainsi leur sécurité. Un principe qui pourrait être appliqué aux jeux vidéo en cryptant des données nécessaires pour jouer et donc d'endiguer le piratage. Cette vision paraît malgré tout un rien utopique lorsqu'on considère tous les dispositifs, certes surtout logiciels, mis en place ces dernières années pour stopper le phénomène sans succès. Toujours selon Bushnell, cette puce miracle aurait du coup une conséquence de taille pour l'industrie du jeu vidéo. L'ouverture de nouveaux marchés porteurs comme l'Inde et l'Asie, aujourd'hui écrasés par le piratage. L'article vient de Game Cult. Des jeux vidéo qui ne sortent pas, qui finissent par ne jamais sortir. On en connaît quand même plusieurs, mais Limbo of the Lost, c'est le champion toute catégorie, bien parti pour devenir le plus grand vaporware, comme on appelle, de l'histoire des jeux vidéo. Loin devant Duke Nukem Forever, dont on parle assez fréquemment. Prévu à l'origine pour la Atari ST, donc il y a 20 ans environ, reporté pour sortir sur la Mega 1200 et puis sur CD32. Ce jeu d'aventure et de réflexion devait finalement atterrir sur PC en février dernier, mais c'était sans compter sur sa belle ardeur à parcourir les âges vidéoludiques qui le pousse à effectuer encore un nouveau pied de nez à tous ceux qui attendent sa sortie. Oui, il y a encore des gens apparemment qui attendent la sortie de ce jeu-là. Pour se faire pardonner, Majestic Studios, le développeur, diffuse quelques visuels du troisième niveau du jeu, en attendant de concevoir les autres, peut-être, dit l'article. C'est donc l'occasion pour jeuxvideo.com de vous offrir cette nouvelle, la dernière datant de plus de 2 ans sur le jeu. La nouvelle date de sortie du titre est l'été 2008, mais on sait jamais, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années à parler encore de ça. D'ici là, nombre de personnes auront sans doute fondé une famille et seront en train de finir Metal Gear Solid 9 sur leur PlayStation 6. L'article vient de jeuxvideo.com. Vous voulez voir les photos de ce jeu qui s'appelle Limbo of the Lost, c'est sur le unechance.com. Sid Meier a fait son entrée dans le Guinness Book Gamers Edition 2008 en tant que créateur de jeux le plus récompensé, avec un CV qui comprend entre autres les séries Civilization, Pirates ou encore Railroad. Le monsieur a accumulé quand même plusieurs prix au fil de sa carrière et son palmarès ne s'arrêtera certainement pas en si bon chemin, puisqu'un nouveau volet de Civilization est en route pour les consoles, oui, en exclusivité sur console. Donc, sortez votre agenda, car Civilization Revolution, qu'on attendait pour début juin, sortira en fin de compte avec un mois de retard. Le jeu sera disponible le 8 juillet aux États-Unis. Voilà, Sid Meier, Civilization. La très sérieuse fondation philanthropique Robert Wood Johnson a promis 2 millions de dollars à une douzaine d'équipes scientifiques chargées d'étudier les bienfaits des jeux vidéo. Ces dernières devront par exemple établir si des jeux basés sur les mouvements peuvent améliorer la convalescence des accidentés ou encore si des centres de désintoxication peuvent tirer parti des jeux vidéo pour prévenir plus facilement les rechutes des toxicomanes. Il y a peu de centres de rééducation motrice se sont effectivement dit oui, c'est ça. Bon, il y a peu, des centres de rééducation motrice se sont effectivement dit intéressés par la Wii et son détecteur de mouvement. Une caution scientifique fiable leur est donc nécessaire maintenant. Des études de financées par l'industrie vidéoludique avaient déjà mis en avant les bénéfices de ce type de loisirs. Selon ces travaux, forcément sujets à caution, les jeux vidéo stimuleraient l'intelligence ou diminueraient la fatigue. Les équipes indépendantes financées par la fondation Robert Wood Johnson pourront donc vérifier si ces allégations sont fondées. La planète vidéoludique a les yeux rivés vers Paris, Gay Paris. Donc ça, c'est en date de jeudi dernier. Et pour cause, Ubisoft tenait son événement annuel, les Ubi Days, un show qui avait pour but de présenter le line-up 2008 de l'éditeur français. Donc au programme, 9 titres dont l'annonce de Beyond Good and Evil 2, le nouveau projet de Michel Ancel. Afin de ne rien rater de l'événement, Public.com vous propose un récapitulatif des vidéos diffusées durant l'événement. Donc la page est mise à jour, a été mise à jour à chaque jour pendant l'événement. Donc, vous avez des vidéos de Far Cry 2, 9 minutes de gameplay sur le PC. La bande-annonce console pour Far Cry 2, la bande-annonce de Prince of Persia, Beyond Good and Evil 2, le teaser, Far Cry 2, la bande-annonce, Soul Calibur 4 aussi, Soul Calibur, Tom Clancy's In War, Brothers in Arms, Hell's Highway, Shaun White, Snowboarding, Raymond Prod présente The Lapin Crétin Show. Beaucoup plus sur le www.chance.com. Pourquoi les hommes sont-ils plus accros aux jeux vidéo que les femmes? Bonne question. Mais parce que leur cerveau ne réagit pas de la même façon que celui des femmes, nous apprend une étude. Oui, c'est le Dr. Alan Rice, chercheur américain de l'université Stanford, après avoir mené des expériences en ce sens auprès d'hommes et de femmes. À son avis, la partie du cerveau qui génère des impressions de récompense est beaucoup plus active chez les hommes que chez les femmes lors de l'utilisation des jeux vidéo. Pour son expérience, le Dr. Rice a inventé un jeu où l'utilisateur doit frapper des balles dans le but de repousser un mur et ainsi de gagner du terrain. Les 11 femmes et 11 hommes qui ont participé à l'expérience se sont appliqués à bien jouer, mais la motivation chez les hommes était beaucoup plus grande que celle des femmes. D'ailleurs, les responsables de l'étude se sont aperçus que l'activité cérébrale chez les hommes augmentait rapidement dans certaines parties du cerveau au fur et à mesure qu'ils gagnaient du terrain, ce qui n'était pas le cas chez la femme. Le Dr. Rice croit d'ailleurs que cette caractéristique explique bien des choses, et je cite « Je crois qu'on peut dire sans peur de se tromper que l'homme est par définition un conquérant. En examinant les grandes étapes de l'histoire, on se rend compte facilement que l'envahisseur ou le dominateur, c'est toujours l'homme et non la femme. » Fin de la citation. D'ailleurs, le Dr. Rice souligne qu'en général, les jeux vidéo les plus populaires chez les hommes sont ceux qui ont un rapport avec l'acquisition de territoire ou la domination d'un ennemi. Hein, marquer son territoire, on connaît ça. Certains ont dit à la blague que c'est ce qui explique pourquoi les jeux vidéo rendent l'homme d'aujourd'hui semblable à celui du Néandertal. D'accord. L'équipe de chercheurs compte bien pousser plus loin ses recherches en utilisant d'autres sortes de jeux vidéo pour valider ces constatations. L'article vient de Canoë, c'est ma foi très intéressant. Dernière nouvelle pour le bloc F5 jeux vidéo, Motley Crue. Vous connaissez Motley Crue. Ils ont rendu disponible une chanson de leur prochain album Saints of Los Angeles sur Rock Band, le jeu vidéo, et sur iTunes, la boutique en ligne. Cette chanson n'est pas disponible ailleurs, d'ailleurs. Depuis, la chanson a atteint 47 000 téléchargements par la version Xbox 360 de Rock Band, contre 10 000 seulement pour iTunes. D'autres artistes ont aussi vu leur vente augmenter après l'apparition de leurs pièces sur Rock Band ou encore Guitar Hero, comme quoi l'interactivité est un bon vendeur. Voilà qui fait le tour pour le bloc F5 jeux vidéo, les nouvelles vidéoludiques des 7 derniers jours. Maintenant, voici le top des jeux les plus loués dans les Super Clubs Vidéo 3 la semaine dernière. En 5e position, c'est Super Smash Bros. Raw sur la Wii. En quatrième, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la 360. En troisième, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PS3. En deuxième, c'est Mario Kart Wii sur la Wii. Et le jeu le plus noué, le Grand Theft Auto 4 sur la 360. Voici Les Beaux Rouven et Great Woman en 89 FM. C'est la connexion. Lesbo Frouven avec Greek Woman à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et du vidéo. Maintenant, voici la chronique Go Go Gadget. Gadgets qui m'ont marqué cette semaine pendant ma visite autour du web. On commence avec un pot de fleurs ou de plantes avec émotion. Oui, c'est le designer Junyi Yeo qui a créé un pot à plantes par USB avec un affichage LED, LED avec des petites lumières, là, qui montre des différentes figures, différentes faces pour montrer son état émotionnel. Oui, c'est ça. Le pot a des senseurs qui mesurent les conditions du sol, la température, l'humidité et l'eau basée sur le type de plante dans le pot. Le chien ensuite calcule comment la plante se sent, si on veut, en ce moment-là, parce qu'elle fait des faces émotionnelles, des émotions. Il y a plusieurs différentes... oui. Je parle vraiment... j'essaie de traduire en anglais. En français. Différentes expressions faciales, dont l'homme et la femme, mâle et femelle, avec des images assez simples qui vous disent comment la plante se sent. Donc, allez voir le lien sur lunechance.com, Digital Planter. Mm-hmm. Ensuite, si vous voyagez et que vous voulez perdre du poids, c'est peut-être difficile de ne pas avoir votre balance avec vous, votre pèse-personne. Mais maintenant, tout ça change parce que vous pouvez acheter une balance transportable, escamotable. Donc, les choses pour mettre les pieds là, sont aussi petits que je ne sais pas, la moitié de votre pied ou presque. Mais bon, à ce qui paraît que ça marche, vous pouvez le rendre encore plus compact en pognant les deux côtés, en les compressant comme ça. En tout cas, donc, collapsible, que ça dit. Donc, vous pouvez mettre ça dans votre sac à dos. Il y a un affichage LCD qui montre les livres ou les kilos. Et ça fonctionne avec deux batteries lithium. Donc, Travel Scale sur lunechance.com. Montrez que vous êtes un ninja à vos collègues au bureau avec des punaises en forme d'étoiles de ninja.

J'veux pas être battu le spot, but des clichés hot. Urban style turn fit, y'a des femmes qui t'y cassent avec la levier flag, comme un changement now. 3 jours à la mode, 4 jours d'excel. So, écoute le sound qui dit que t'es bon. J'te dis que t'es bon, c'est ça qui veut. Positively enforcement pour les enfants. Oh, jet never mind, le boss dit non. Le monde refuseront, le rejecteront, le traduiront, puis ils finiront à l'entendement, jusqu'ils l'acclameront et l'écouteront, et diront que parce qu'ils l'aiment. Oh ouais, y'a ta grace, c'est ta mon favorite. Révolutionnaire, il faisait vraiment de la suite. Rien qu'une fois que t'es gone, que tu seras venu. Ton image à la mode, mais t'y personne t'a vu. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. Bonjour à la connexion, l'émission qui parle de technologie informatique et du vidéo, l'émission la plus rapide au monde. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques secondes, à peine, on va faire le bloc F5 informatique, une nouvelle qui a marqué le monde des ordinateurs. Mais avant, voici une pièce de Flight of the Conchords, Coup de Paha. Une belle leçon de français de la part de Brett et du Jimmy. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Ah, ah, ah, baguette. Ah, ah, ah, ah, fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse. Ananas. Jus d'orange. Bœuf. Soupe de jour. Camembert. Jacques Cousteau. Baguette. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe aïe. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Flight of the Conchords avec Fou de Fa-Fa. Ah, j'adore Flight of the Conchords. Allez voir sur YouTube, je ne dirai jamais assez. Flight of the Conchords. Bloc F5 informatique, donc le monde des nouvelles des ordinateurs. Hein, tout ce qui se passe dans les PC, les Mac. Lorsque eBay a annoncé son intention de n'accepter, oui, que les paiements PayPal en Australie, plusieurs usagers et certaines banques se sont plaints à l'Australian Competition and Consumer Commission qui régit le commerce en Australie. Une plainte anonyme sous forme de document PDF de 38 pages a attiré l'attention. Et bien, David Bromage, un lecteur du site de nouvelles Auctionbyte, a découvert en ouvrant les métadonnées du fichier PDF que le document original avait été rédigé par Google, qui offre son service de paiement à Google Checkout similaire à PayPal. Le document PDF a depuis été modifié. Selon la plainte, eBay nuira à la compétition avec PayPal, qu'elle détient d'ailleurs, ce qui aura un impact sur le choix des consommateurs et sur la qualité des services de paiement en ligne australiens. Une décision devrait être rendue à la mi-juin CIB, quant à elle, maintient que son site australien n'acceptera que les paiements PayPal à partir du 17 juin. L'article vient de Branchez-vous. Le nom de domaine America.com n'a pas trouvé preneur après une semaine d'enchères sur le web, on en parlait la semaine dernière. Selon l'entreprise suisse Internet Media Consultants SA, qui gère des portefeuilles de noms de domaine, aucune offre d'achat n'a dépassé le prix de réserve qu'elle demandait. La plus forte enchère enregistrée se serait élevée à 1,710 millions de dollars américains, alors que l'entreprise demandait un minimum de 2 millions, a indiqué son directeur Paolo Belcastro. Le nom de domaine était proposé aux enchères par IMCSA depuis le 22 mai sur les sites internet greatdomains.com et cedo.com. M. Belcastro a confié à l'agence France Presse que la conjoncture générale des États-Unis, tant au niveau de l'image internationale du pays que de son économie, constitue la principale raison pour laquelle le nom de domaine, le nom de domaine n'a pas pu trouver preneur au prix de réserve demandé. Il a ajouté que les trois entreprises lui ont cependant demandé de faire des offres d'achat en dehors du processus d'enchères. Selon l'entreprise, la valeur du nom de domaine aurait été évaluée entre 3,5 et 7,3 millions de dollars américains. IMCSA avait donc augmenté son prix de réserve initial d'un million de dollars à 2 millions. Précisons que America.com est réservé depuis le milieu des années 90, mais n'a jamais vraiment été utilisé. La fondation Mozilla désire établir un record Guinness du plus grand nombre de téléchargements en 24 heures pour un logiciel lors du lancement de son navigateur web Firefox 3.0. Si aucune date n'a pour le moment été confirmée pour le lancement du furteur, on rappelle que Mozilla espère pouvoir offrir la version définitive de Firefox 3 d'ici la fin du mois de... d'ici la mi-juin, pardon. Donc, un nom a toutefois été dévoilé pour le lancement, c'est le Download Day, le jour du téléchargement. Pour établir le record Guinness du plus grand nombre de téléchargements, Mozilla encourage notamment ses fans à organiser des fêtes pour télécharger le navigateur avec leurs amis et collègues et afficher des icônes Download Day sur leur site web pour rappeler l'événement à leurs visiteurs. Je peux le faire. Le site web Mozilla Party Central a même été lancé pour permettre aux amateurs d'enregistrer leur fête ou d'en trouver une près de chez eux. Pour le moment, aucun record Guinness n'a encore été établi quant au plus grand nombre de téléchargements en 24 heures. On peut rappeler qu'une version de Firefox 3 qui devrait apporter 15 000 améliorations à Firefox 2, dont une meilleure utilisation de la mémoire et une meilleure gestion des téléchargements, est présentement disponible. Je l'ai testé et je l'adore. Sérieusement, je pense que j'ai jamais autant aimé un logiciel. Firefox 3, c'est le paradis. C'est tellement rapide en plus, c'est bon, c'est bon. Enfin, donc allez vous renseigner sur lunchance.com. Windows 7 pourra être utilisé avec un écran tactile multipoint, a annoncé le président de Microsoft. À l'instar de l'iPhone, l'interface tactile pourrait permettre aux utilisateurs du système d'exploitation de Microsoft de réduire la taille des photos, de jouer du piano ou de tracer un itinéraire sur une carte avec les doigts. La façon avec laquelle vous interagirez avec Windows sera radicalement différente qu'avec les précédentes versions du système. Dans les prochaines années, la voix, la vision et l'encre pourrait aussi jouer un rôle d'interaction plus grand que par le passé, a déclaré Bill Gates lors du congrès All Things Digital qui se déroulait la semaine dernière à San Diego, en Californie. En renouvelant ainsi son approche, Microsoft souhaite que la sortie de Windows 7, qui est prévue en 2009, soit plus réussie que celle en 2007 de Windows Vista. Le directeur général de l'entreprise, Steve Ballmer, qui participait également au congrès, a d'ailleurs confirmé que l'entreprise désire sortir un système qui sera plus innovateur que Windows Vista. Lorsque des journalistes lui ont demandé si Microsoft était en retard par rapport à Apple, parce que bon, la plupart des idées qu'on vient de dire là, c'est pas mal copié sur Apple, sont plus réussies que celles en 2007 de Windows Vista. Le directeur général, donc, je suis revenu en arrière. Donc, on lui a demandé si Microsoft était en retard. Steve Ballmer a rétorqué, je cite, « Nous allons vendre 290 millions de PC alors qu'Apple va en vendre 10 millions. L'entreprise de Steve Jobs réussit très bien dans ce qu'elle fait, mais nous réussissons tout de même tout aussi bien avec nos partenaires. » Donc, il est en train de dire que Microsoft vend plus de PC que Apple vend de Mac, donc c'est meilleur. Si je comprends bien, hein? C'est très logique. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent Fox News, donc c'est bien meilleur. Enfin. Lors du congrès, Bill Gates a également confirmé aux journalistes que sa retraite partielle de Microsoft entrera bel et bien en vigueur le 1er juillet. Et je cite, « Plutôt que de consacrer 80% de mon temps à Microsoft et 20% à la fondation Bill & Melinda Gates, je vais faire exactement l'inverse. » Bill Gates a soutenu qu'il restera officiellement le président de l'entreprise et qu'il y aura encore son bureau, mais qu'il allait concentrer ses énergies à la réalisation de projets de développement à long terme plutôt que de travailler sur la gestion de Microsoft. C'est très sage, ce Bill Gates. En nouvelle sociale, maintenant dans le social, les étudiants en droit de l'Université d'Ottawa ont déposé une plainte contre Facebook auprès de la commissaire à la protection de la vie privée. Les étudiants, incluant plusieurs utilisateurs réguliers de Facebook, ont soutenu que le site Internet de réseautage social enfreignait 22 dispositions de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. Ils allèguent que des informations personnelles de membres sont transmises à des tierces parties pour des fins de marketing, notamment sans le consentement de ceux-ci. Les étudiants ont déposé la plainte après avoir analysé les politiques et les pratiques de la compagnie dans le cadre d'un cours cet hiver. La directrice de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada de l'Université d'Ottawa. La directrice de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada. Belle carte d'affaires. De l'Université d'Ottawa, oui. Philippa Lawson a confié que le groupe s'était attardé au site Facebook. Elle n'a pas dit que le site était attardé d'être sur Facebook. qui compte plus de 7 millions de membres au Canada en raison de sa popularité auprès des adolescents qui ne réalisent pas les risques d'exposer en ligne des renseignements personnels. Selon la loi, la commissaire à la protection de la vie privée a jusqu'à un an pour enquêter sur la plainte et présenter ses conclusions. L'article vient de Canoë. Un sondage annuel effectué auprès des lecteurs du magazine Protégez-vous pour son édition du mois de juin montre qu'une personne sur cinq est insatisfaite de la vitesse de sa connexion Internet. Probablement tous du monde sur Bell. Le magazine a comparé les forfaits disponibles sur le marché et ainsi mesuré dans quelques foyers la vitesse réelle de connexion afin de vérifier notamment si elle correspond bien à la vitesse annoncée. Conclusion. Les mesures de vitesse enregistrées indiquent que les consommateurs ont accès à des vitesses correspondant à 85% des vitesses annoncées. Les fournisseurs tenant en général leurs promesses, il faut donc regarder ailleurs les causes de ces ralentissements qui peuvent être causés par des facteurs tels que le serveur duquel on effectue un téléchargement, le système d'exploitation, la présence d'un autre utilisateur sur notre réseau sans fil, le routeur ou encore des logiciels comme le navigateur, l'antivirus et le pare-feu. Évidemment, il ne faut pas s'attendre si on va sur un site bidon hébergé par GeoCities d'avoir des téléchargements super rapides. Hein? C'est bon. Si on utilise par contre Gmail, Hotmail, quelque chose du genre, on devrait s'attendre à avoir une meilleure connexion, mais ce n'est pas nécessairement de la faute de votre fournisseur d'accès Internet. Quelques bons rapports qualité-prix sont recommandés par le magazine dans chacune des catégories de débit, soit la basse vitesse qui convient aux utilisateurs légers comme ceux qui utilisent le courriel, la navigation web ou encore le paiement de factures en ligne, la vitesse intermédiaire, la haute vitesse pour les amateurs de contenu audio-vidéo, de jeux et de téléchargement et enfin Internet par satellite et la haute vitesse WiMAX qui permet de desservir des régions plus éloignées des grands centres de Montréal et de Québec. Protégez-vous à analyser les offres de 25 fournisseurs Internet dont celles de Vidéotron et de Bell. On apprend également qu'outre ces deux fournisseurs qui dominent la distribution de l'accès Internet au Québec, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos bons amis de la CRTC, permet à d'autres entreprises d'offrir le service. L'analyse révèle également que 72% des foyers au Québec sont branchés sur Internet. C'est quand même pas pire. L'article vient de la presse canadienne, oui. Le feuilleton Yahoo Microsoft se poursuit. Le nouvel épisode se déroule cette fois-ci lors de la conférence All Things Digital organisée par le Wall Street Journal. Ainsi, Jerry Yang et Steve Ballmer se sont exprimés sur le sujet qui, rappelons-le, vise un rachat de Yahoo par Microsoft. Après avoir décliné l'offre de Microsoft en premier lieu visiblement pour une question d'argent, parce que Microsoft proposait 33 $ par action, mais la direction de Yahoo ne voulait pas lâcher en dessous de 37 $ par action. Yang de chez Yahoo a expliqué qu'un rapprochement entre Yahoo et Microsoft aurait été extrêmement puissant, mais que Microsoft avait décidé de se retirer des négociations. Le géant de Redmond aurait décidé d'exclure pour le moment l'idée d'une fusion avec Yahoo. Les deux parties continuent cependant de discuter au sujet d'un accord dont les détails sont pour le moment inconnus et je cite « Microsoft ne semble plus intéressé par un rachat du groupe. Nous discutons maintenant d'autres choses. Nous avons besoin de comprendre ce qu'ils nous proposent », a déclaré Jerry Yang. De son côté, Steve Ballmer a fait savoir et je cite « Nous ne lançons pas à nouveau une offre de rachat totale. Ce n'est pas prévu. Mais si nous nous réservons toujours le droit, nous nous réservons toujours le droit de le faire plus tard. » Pendant ce temps, Murdoch juge le rapprochement positif et conseille à Microsoft de revoir à la hausse son offre pour l'emporter rapidement. Rendu là, Microsoft, t'sais, réveille-la. Rajoute quelques dollars par action, c'est de la petite monnaie pour toi, ça. Peut-être pas, mais bon. Un couple de Vancouver, dans les nouvelles stupides de la semaine, a mis en vente son bébé de 7 jours pour 10 000 $ sur Internet, a indiqué la police canadienne quelques jours après une affaire similaire en Allemagne, dont on a parlé récemment ici à C'est fou. Le bébé, une petite fille, a été prise en charge par les services sociaux, tandis qu'une enquête pour trafic d'êtres humains a été ouverte à l'encontre des parents, connus pour des problèmes de drogue, a indiqué l'officier de police Tim Fanning. La vie avait été publiée par le très populaire site de petites annonces gratuites Craigslist.com. Les parents présentaient leur fille comme étant très saine et très mignonne, en précisant « Nous ne pouvons pas nous le permettre ». nous ne pouvons pas nous le permettre. Recherchons une bonne maison. Appelez le plus vite possible. L'officier Fanning a souligné qu'aussi bien la mère que le père sont connus de la police. Tous les deux ont un problème avec la drogue. C'est une femme qui a appelé la police après avoir détecté la petite annonce au milieu d'offres aussi diverses que la vente d'un chinchilla, de couteaux de cuisine ou d'un vase de cristal. Quand la police est arrivée à l'appartement, les agents ont trouvé quatre adultes et le bébé. Leurs premiers mots ont été de dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Les parents ont été brièvement arrêtés, mais l'enquête est loin d'être terminée. Dimanche dernier, la police allemande avait indiqué avoir retiré la garde d'un bébé de 7 mois à un couple bavarois qu'il avait mis aux enchères sur le service en ligne de eBay au prix initial de 1 seul euro. La mère Tania, âgée de 23 ans, avait déclaré au journal Bild am Sonntag que c'était pour rire et qu'elle voulait juste voir si quelqu'un se porterait acquéreur. Ben oui, faites des blagues comme ça, c'est une très bonne idée, finissez tous en prison. Un artiste suédois qui affirmait avoir réalisé le plus grand dessin au monde grâce à un appareil GPS, on en parlait la semaine dernière, a dû se raviser. Il s'agissait d'un canular. Erik Nordenankar affirmait avoir réalisé son autoportrait en faisant voyager de par le monde une valise contenant un appareil GPS. Une fois le périple de la valise terminé, il disait avoir téléchargé dans son ordinateur l'itinéraire réalisé par la valise pour produire un immense dessin à échelle planétaire. Sur son site internet biggestdrawinginthworld.com, l'homme affirmait qu'il avait confié la valise à l'entreprise de livraison DHL avec les coordonnées géographiques exactes des endroits où la valise devait passer. Le Suédois admet maintenant qu'il s'agit d'une œuvre de fiction réalisée dans le cadre d'un cours de design. Il a ajouté ça à son site, là, c'est marqué en petit. C'est une joke en fin de compte. Et je cite, « Je crois que c'est possible de réaliser ce projet pour vrai, mais en raison de mon budget limité ou quasi non existant, ce n'était pas possible. J'ai donc réalisé l'idée de manière fictive. » Ouais. Les internautes avaient tôt fait de lever des doutes sur l'expérience, plusieurs affirmant notamment qu'il était impossible qu'un avion d'une entreprise de livraison ait accepté de faire des boucles au-dessus de l'océan. D'autres doutaient fortement que le signal GPS ait pu être capté en tout temps pendant 55 jours, même à bord des avions et sans que les piles ne connaissent de défaillance. L'entreprise de livraison DHL a confirmé au Telegraph de Londres de jamais avoir effectué une telle livraison. Pourtant, le gars avait entre ses mains dans des photos sur son site plusieurs talons ou preuves ou des factures de DHL. On peut croire qu'il a été piqué ça à différents gens de sa famille. Elle avait toutefois permis à Erik Nordenankar de filmer dans ses locaux de Stockholm pendant que le projet ne sortirait pas des murs de l'école. Donc voilà, il est allé chez DHL exactement pour prendre des papiers et se filmer avec ça. Quel petit schnappant! L'article venait de techno.ca, en passant. La salvia bannie à cause de YouTube, c'est ce que demande DominiqueCarpin.ca. La salvia divinorum est une espèce de sauge de la famille de la menthe. Comme elle est considérée comme un produit de santé naturelle au plan légal, sa vente est permise au Canada et aux États-Unis. Pourtant, celle qu'on appelle aussi la menthe magique a de puissants effets hallucinogènes. Confusion, manque de coordination, rire, effet dissociatif. Elle fait buzzer tous ceux qui la fument, un état qui dure généralement quelques minutes seulement. À Montréal, nous apprend un article de Caroline Touzin de La Presse, la sauge divinatoire est même en vente libre dans un café du Plateau Mont-Royal. Mm-hmm, c'est vrai. Les menteurs, que ça s'appelle. Menteurs, c'est un beau jeu de mots. Malheureusement pour les amateurs de cette plante mexicaine, dit Dominique Carpin, le party s'achève peut-être. Eh oui, et YouTube risque fort d'être un des grands responsables de tout ça. En effet, de nombreux adeptes de Salvia Divinorum ont eu la brillante idée de mettre en ligne des vidéos de leur expérience hallucinogène sur le populaire site YouTube. Tapez Salvia Trip et le moteur de recherche vous renverra des centaines de clips. Il y a un exemple d'ailleurs même sur l'article de unechance.com, tellement que ça a attiré l'attention de George Maziarz, un sénateur de New York. Selon cet article de La Presse, il dit avoir été convaincu que la plante devrait être bannie après avoir vu des vidéos de jeunes fumant la salvia sur YouTube et s'écroulant au sol. Parce qu'évidemment, quand t'es sénateur, pas le droit d'avoir du plaisir. Non, non. Surtout pas dans des toilettes aux États-Unis. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, morale de l'histoire, pour les fumeurs de salvia, ils auront été les artisans de leur propre malheur. Méchant bad trip. Mm-hmm. Merci, Dominique Carpin. Merci. Les ordinateurs plus petits et moins coûteux risquent de voler la vedette cette semaine à Taipei. Oui, Taipei. Parce que c'est là que se déroule, à compter d'aujourd'hui même, le Computex, la deuxième plus grande foire de produits électroniques au monde. Les observateurs sur place s'attendent à ce que les produits vedettes soient des portables dont les prix varieraient entre 300 et 500 $. À l'origine, ces ordinateurs ont été conçus pour les pays en voie de développement, mais plusieurs fabricants ont été surpris de constater que la demande pour ces produits venait de partout. C'est le cas de la firme Asus Tech qui a lancé l'automne dernier son EPC, un ordinateur destiné aux enfants des pays en voie de développement. Il s'agit d'un appareil de moins de 1 kg doté d'un écran de 7 pouces et d'une mémoire flash. Plus d'un million d'ordinateurs ont été vendus depuis son lancement il y a 5 mois et d'ici la fin de l'année, ce nombre devrait atteindre 6 millions. Ce succès inespéré, donc, a fait en sorte que les autres grands fabricants se sont également lancés dans cette aventure. C'est le cas de la compagnie Acer qui a déjà annoncé le lancement de nouveaux produits dans le cadre du Computex. Contrairement aux autres expositions du genre, le Computex n'est pas destiné à un grand public, même si les portes sont ouvertes à tout le monde. L'exposition vise d'abord et avant tout les fabricants et les détaillants. Plus de 1725 exposants se sont inscrits, une hausse de 30% par rapport à l'exposition de l'année dernière. Plusieurs grands noms de l'électronique sont sur place, dont Intel et AMD. Selon la firme de recherche IDC, les ventes mondiales d'ordinateurs cette année devraient atteindre les 296 millions d'unités, en hausse de 13% sur l'année dernière et connaître une progression appréciable au cours des deux prochaines années. Voilà pour le bloc F5 informatique. Hein, il y en avait beaucoup de choses. Voici donc le top des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième position, ça monte l'Auto-Québec. En quatrième, ça descend les PAC. En troisième, ça monte Météo-Média. Et les deux premières positions sont stables. En deuxième, c'est Hotmail. Et en première, le mot-clé le plus recherché la semaine dernière sur la toile du Québec, c'est Horoscope. Ah, que les gens aiment donc ça, savoir ce qui se passe dans leur vie. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Voici Escar Mika, 89.1. T'as appliqué les freins sur une route maganée, déminée par le doute des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt hélico projeté, par-delà quelques vrais, quelques accélératés. Jeté en deux temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mère. Vu la somme des entorses, vu le sens et le corps. Ton âme flanche et divorce. Si j'étais là, je te parlerais tout bas. Je vais chanter les voix. Jusqu'à ce que tu t'endormes. Parmi l'eau crayonnée, l'aquarelle incendie, t'es bercé par le vent sur un lit. Et partout sous ta peau, le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui mousent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le pare-brise que tu mâches, et mes diarrhées font commun à la route. Tes yeux brûlés, car heurtés en boutique dans les archipels de verre, heurtés par l'oubli et l'absence de lumière. Le sang des entorses, le sang sur les glaces, dans la planche des humains. Et toi, we'll Esther Mika avec l'accident de leur album TNT Conifère. C'est la fin de la première heure de la connexion. On parle technologie informatique et de jeux vidéo. Dans la dernière heure, la deuxième heure, oui, on va parler de vidéos. Oui, on va faire un tour des vidéos les plus intéressantes du web dans un vide vidéo. Et ensuite, on va parler de science et de technologie. Et on va parler de ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans d'ordinateur, écrans de console, toutes sortes d'écrans dans l'écran de votre radio, comme on pourrait dire, au 89 FM, partout sur Internet, au site.ca. Et allez voir tous les liens d'émissions d'aujourd'hui et télécharger les balado-diffusions des émissions précédentes sur le www.unechance.com. Restez avec nous, la connexion revient dans un instant. Dash.com. Hey, you tired of hearing the same old crap? Well, have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight Outta Compton. Straight Outta Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize at the same time. Sorry Miss Jackson. And the mighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls I do adore. You put your name on this paper, cause I would love to date you. Holla at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Moi, c'est Mathieu Plante. Vous, c'est pas, dites-le-moi. Dans quelques minutes, on va faire un bloc F5 sciences et technologies. Là-dedans, on va parler entre autres d'experts britanniques qui ont trouvé la formule mathématique de la voie parfaite. On va aussi parler de Mastercard qui teste les paiements sans fil au Canada et de vacances virtuelles. Mais avant ça, on va parler de vidéos dans le bloc en vide vidéo. Et avant en vide vidéo, pop culture! Voici Creature à la connexion 89.fr. Close up. Facebook.com. Pyramide construite par Fouad and Fez Stones. La bande à Ovid à la vidéo. Et oui, c'est l'heure du bloc Ovid vidéo. Ici, la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. 89.1 FM. Et donc, il y a des vidéos très intéressantes que j'ai trouvées sur Internet. Le premier, c'est Pie Face Prank sur le site comedy.com. C'est l'histoire touchante d'un gars avec une tarte à la crème entre les mains qui va attendre sa copine au bord de la porte. Une fois qu'elle rentre, après une longue attente, elle lui lance sur le dos de la tête. Et disons que la fille est pas tellement contente, elle le traite de tous les noms, et puis c'est à peu près l'histoire, mais faut vraiment être clair pour faire quelque chose du genre, t'sais. Surtout que la fille, il faut qu'elle travaille tôt demain matin, puis il va falloir qu'elle aille prendre sa douche, puis ça. Va faire Pie Face Prank, mais c'est drôle à voir, mais en même temps très inconfortable. Asshole, qu'elle dit. Je ris pas de ça. Bon, donc Pie Face Prank. Le prochain, on en a déjà parlé, c'est la connexion, c'était une journée sans nouvelles. Là, il y a un retour là-dessus. Jason Harbour, c'est lui qui l'a fait, cette vidéo-là. On voit plusieurs animateurs de nouvelles rien faire parce qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde. Puis il y a des nouvelles qui passent en bas de l'écran, dans le ticker, puis il n'y a rien là-dessus non plus. On pensait que c'était une vidéo qui avait été faite en demandant aux vrais animateurs quelque chose de genre. En tout cas, c'est ce que je croyais. En fin de compte, non, c'est pas ça. Pas ça du tout. En fait, ce qu'il a fait, c'est que, vous savez, quand il y a deux animateurs de nouvelles dans une même émission, souvent l'autre personne qui est pas en train de parler va être comme bizarre un peu. T'sais? C'est le fun de regarder juste l'autre personne, celle qui parle pas. C'est intéressant. Mais là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé ces images-là, puis il a mis juste les personnes qui ne parlaient pas. T'sais? Donc, c'est cool. Donc, allez voir ça. The Here We Come of a No News Day sur le site de iDance.tv. Il y a une version flash à regarder, puis c'est vraiment beau de voir comment le gars a fait ça. Mm-hmm. Ensuite, Jamie Oliver, qui tue des petits enfants animaux. Donc, c'est le chef britannique Jamie Oliver qui voulait montrer aux gens comment la cruauté envers les animaux, c'est pas correct. Tu sais, on utilise des animaux pour faire de la nourriture, dont j'imagine la nourriture qu'il a déjà utilisée dans ses émissions à lui. Mais donc, pour montrer pour faire son point, comme on dit en anglais. Il y en a un paquet de beaux petits poussins dans son studio et puis il leur a montré aux gens du public et comment les tuer en direct sur le plateau. Puis ensuite, il en a donné un poussin à un gros serpent. Donc c'est bizarre à voir. Musique drôle par-dessus, je sais pas trop. Allez voir ça. C'est sur lunchance.com. C'est Jamie Oliver, Killer of Cute Baby Chicks, tueur de petits poussins. Le prochain, c'est Video Game Theater sur le site de The Escapist Magazine. Vous les connaissez, Escapist Magazine, pour leur critique égratignante qu'on voit beaucoup sur le web depuis quelques temps. Et bien, leur nouvelle série, c'est Video Game Theater. Dans ce cas-ci, c'est Pac-Man, The Insatiable Hunger. Je vous parlais il y a quelques temps d'un film de Pac-Man qui allait sortir en dessin animé. Ça pourrait être bien si ça avait l'air de ça, parce que je trouve ça beau et drôle. C'est avec des marionnettes sur le site de The Escapist Magazine. Ensuite, Gamerhead Tape Prank. Encore des gens stupides qui font des choses stupides. Autre que le gars avec sa tarte à la crème tantôt. Ici, c'est un gars qui est en train de jouer à un jeu sur l'ordinateur. Puis là, son ami arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il met du tape partout dans la face. Après ça, le gars qui est à l'ordinateur prend ses mains pour essayer de l'enlever. Il met du tape par-dessus ses mains, donc le gars peut même pas enlever le tape. C'est quoi, est-ce qu'il veut tuer son ami? Je comprends pas trop. En tout cas, il y a des gens qui vont trouver ça drôle, mais je trouve ça vraiment absolument ridicule. Gamerhead Tape Prank sur unechance.com. Prochaine vidéo, c'est une expérience avec des chandelles sur le site de 5 Minute Life Videopedia. C'est un site qui montre comment faire des choses justement dedans de 5 minutes. Bon. Donc dans ce cas-ci, c'est vous mettez une chandelle avec une épingle, je crois, dans le milieu, entre deux coupes de vin. Et puis la chandelle va se mettre à virevolter quand vous mettez du feu aux deux bouts de la chandelle. On va faire c'est drôle à voir. Allez voir comment faire ça sur le site unechance.com. Superhero Fashion Emergency, c'était quoi déjà ça? C'est sur collegehumor.com, c'est un des vidéos originaux de College Humor. C'est en fait des extraits de dessins animés qui ont juste l'air gays. C'est ce que ça disait dans la description. Des extraits gays de super-héros. Ok. C'est pas super drôle. Un truc de magie dans la rue qui tourne mal. Oui, c'est un magicien de rue, d'accord, qui commence à faire son prétentieux et montre, bon, faire un tour de cartes, etc. Et là, à un moment donné, il lance des cartes à quelque part, la vitre du char pète. Le gars s'en fait en courant. Là, il arrête pas de crier. C'est eux autres qui l'ont fait, c'est eux autres qui l'ont fait. Moi, je dis que ça vient d'une émission de sketch, quelque chose du genre. Je suis certainement pas d'un vrai magicien qui reste, on n'a pas fait ça. C'est une parodie de Mad TV. Oui, ils ont fait une parodie d'un jeu de société sur Grand Theft Auto. Allez voir, c'est très très drôle. C'était quoi ça? Je vais sauter par-dessus lui parce que je crois qu'il fallait avoir 18 ans et plus, mais je me rappelle pas c'était quoi. Prochain, c'est le film de The Onion. Vous connaissez le site web TheOnion.com avec leur Onion News Network et leur nouvelle texte depuis des bonnes décennies. Il va y avoir un film sur The Onion cet été, c'est vrai. Et ils ont fait une bande-annonce avec la tagline, le slogan, la seule organisation de nouvelles qui a le cran de dire les choses comme elles le sont vraiment. Donc, ils ont compilé plusieurs vidéos dans un DVD de 90 minutes avec eux-mêmes en vedette Steven Seagal. Donc, ça s'en vient très, très bientôt, le film The Onion Movie. Hello Windows, Hello World. Cette vidéo, c'était quoi ça? C'était une vidéo créée avec des sons de Windows, si je me rappelle bien. On devrait pouvoir l'entendre très bientôt. もう息を吸って行こうよ。まんざらでもないこの恋を。それなしに生きれない本もあるかどうかわからない妄想。 Pas tout intéressant non plus. iPong, oui, le jeu iPong. Ryo Shimizu de chez Ubiquitous Entertainment, oui, qui est un blogueur aussi assez actif, a arrangé l'application pour son iPod Touch. Vu que l'iPhone n'est pas encore disponible au Japon, c'est iPong, donc il joue avec plusieurs personnes. Littéralement, vous pouvez envoyer la balle d'un iPod Touch à un autre, connecté sans fil, avec une partie de Pong virtuelle. Donc, allez voir la vidéo, c'est très très beau. Counter-Strike version cartoon, je vais vous laisser aller voir ça sur lechance.com. Guitar Hero version DS, sauf que ça intéresse, j'ai posté une vidéo là-dessus, c'est une bande-annonce, très très années 80, kitsch, c'est voulu, là. C'est pas juste laid, c'est vraiment voulu de la part de la compagnie qui a fait ce jeu-là, Guitar Hero on Tour, Activision, c'est bien ça, Vicarious Vision, c'est ça. Peu importe la compagnie, je suis en train. RIP Guitar Hero, donc les gens de chez Kotaku.com qui disent que c'est la fin de la série Guitar Hero. Internet Love Song, une chanson originale sur YouTube. Allez voir. We Are the World, refait par les imitateurs dans une émission japonaise. Sur le site de teamgenius.biz, le vidéo Boyfriends, court-métrage qui rend hommage à Donkey Kong Country 2 et la musique de Donkey Kong Country 2, donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi chaque gars devrait acheter Wii Fit à leur copine? J'ai trouvé ça ici, c'est vraiment beau. C'est dans le fond une vidéo d'une fille en train de jouer à Wii Fit qui se brasse les fesses. Donc c'est pour ça que ça dit la raison que tous les gars devraient acheter Wii Fit à leur copine. Master of the Internet, ça date de je crois très très longtemps, parce que ça dit ici depuis 80, que c'est sorti en 97. C'est pas vrai, là. Allez voir ça, c'est une parodie. C'est comme une fausse info publicité dans une émission de sketch. Ça date d'il y a quelques années, tu sais, dans le récent. Le gars fait comme s'il était en 97, donc il vous parle de comment chercher sur Internet. Ça m'a pris que 10 minutes. Vous pouvez chatter avec des femmes ou chatter avec des hommes. Nanana. Parce que, donc, c'est vraiment intéressant. Master of the Internet, moi, c'est un de mes préférés cette semaine. Et Grand Theft Auto, DUI, c'est un gars qui s'est saoulé puis qui a joué à Grand Theft Auto. Je vais pas regarder ça. Donc, c'est ça pour AV de vidéos cette semaine. Beaucoup de beaux vidéos à trouver sur Internet. Dans quelques minutes, on va parler de science et de technologie. Dans le bloc F5 Sciences et Technologies, plus tard. On va parler de nouveautés qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Restez avec nous. Voici Bonjour Boomer et la fin à petit feu à la collection 89.1. Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés. Et songer aux instants rompus, est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non, non, non, non, non, c'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non, non, non, non, non, si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, la fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs entraînés derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. Non, non, non, non. C'est à ne plus savoir comment s'y prendre. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui part, qui disparaît à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui fuit, qui disparaît à petit feu. Rien de tout cela n'est fini. Bonjour Brumeur et la fin à petit feu de leur album De la nature des foules à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc F5, science et technologie. Des scientifiques britanniques ont mis au point une formule mathématique pour déterminer la voix idéale en prenant en compte l'intonation, l'élocution et encore le débit, selon une étude publiée récemment. Pour avoir la voix idéale, il suffit désormais d'appliquer la formule suivante. Parenthèse du crochet 164.2 WPM fois 0.48 PBS, fermons le crochet FI, fermons la parenthèse égale PVQ. En clair, pour avoir une voix parfaite, donc c'est Perfect Voice Quality, donc c'est ça, c'est le égal PVQ, il faut prononcer moins de 164 mots par minute, je dois taper le 300, c'est vrai, WPM dans ce cas-ci, faire une pause de 0,48 secondes entre chaque phrase, j'aimais ça, PBS, avoir une intonation retombant progressivement à la fin des phrases, donc ça c'est le FI, c'est ce qu'a déterminé une équipe de chercheurs dans une étude réalisée pour le Poste britannique. Et je cite, toutes les voix analysées étaient britanniques et, même s'il peut y avoir des composantes culturelles, cette formule devrait s'appliquer au moins à toutes les langues européennes, a indiqué une porte-parole à l'agence France Presse. Cette étude a été dirigée par Andrew Lynn, un professeur de linguistique de l'Université de Sheffield dans le nord de l'Angleterre, et par Shannon Harris, ingénieur du son et musicien notamment pour Rod Stewart et Lily Allen. Et je cite, nous avons instinctivement quelques voix, nous savons instinctivement quelles voix provoquent des sensations agréables et lesquelles nous font frémir de peur, a expliqué M. Lynn. Les réactions émotionnelles de l'échantillon aux voix ont été surprenantes et permettent d'expliquer comment les animateurs radio et les personnes faisant du doublage ou du commentaire sont choisis. Les acteurs britanniques Judi Dench, oui, il doit falloir prononcer les mots correctement aussi. Jeremy Irons ou encore Alan Rickman s'approchent de la perfection vocale déterminée par cette formule. Apple a déposé un brevet pour l'intégration de cellules solaires photovoltaïques dans des appareils portables. D'après les informations relatives au brevet, les cellules seraient intégrées sous l'écran tactile des appareils portables tels que l'iPhone ou l'iPod Touch. Mais on ne sait pas encore comment sont disposées les cellules sous un écran déjà sollicité par plusieurs applications et quand cette technologie sera mise en application. L'énergie solaire pourrait aider à redéfinir la portabilité des appareils qui deviendraient alors réellement portables, les libérant ainsi de la nécessité de les brancher à une prise de courant. C'est ça qui est dommage avec un portable quand tu dois brancher l'Internet et ensuite brancher le fil au mur. Déjà en avril dernier, le groupe de télécommunications britannique Vodafone a annoncé à l'occasion de la présentation de son plan de réduction de 50% d'émissions de CO2 d'ici 2020, son intention de développer des chargeurs pour téléphones mobiles munis de capteurs solaires. Par ailleurs, lors de la récente conférence de l'Union internationale de télécommunications en Afrique, le ministre ougandais de l'information et des technologies de la communication, Am Makusa Mulira, a fait état de la mise à l'essai d'une technologie prometteuse destinée aux chargeurs, semblable à celle que veut développer Vodafone. L'article vient de Branchez-vous. Même chose pour le suivant d'ailleurs, il suffira peut-être bientôt d'effleurer un terminal avec son téléphone cellulaire pour effectuer ses achats. Mastercard Canada procédera au cours des 4 prochains mois à la mise à l'essai de téléphones utilisant une technologie de communication en champ proche, la NFC, Near Field Communication, pour effectuer des paiements sans fil. La communication en champ proche, promue par Sony et Philips, est une technologie d'échange de données qui peut atteindre 424 kb par seconde sur une très courte distance, soit d'une dizaine de centimètres. Contrairement au Bluetooth qui demande environ 6 secondes avant d'établir une connexion entre deux appareils, la communication en champ proche ne demande que 0,1 seconde. Selon Mastercard, cet essai constitue une étape cruciale dans le déploiement du système de paiement sans contact par téléphone cellulaire sur le marché canadien. Au cours de cet essai, en milieu fermé, des téléphones du réseau sans fil de Bell Mobilité dotés de la fonctionnalité PayPass sont utilisés pour effectuer des achats chez des commerçants canadiens qui acceptent la carte PayPass de Mastercard. Selon Mastercard, il sera également possible de sécuriser l'application de paiement PayPass à l'aide d'un mot de passe, ce qui protégerait les consommateurs en cas de vol ou de perte. Rappelons que Visa avait également annoncé l'an dernier son intention de tester le paiement par téléphone cellulaire. Toujours dans le domaine des téléphones cellulaires, si 2007 a été l'année du iPhone, 2008 risque d'être celle de l'Android. Ce système d'exploitation pour cellulaire piloté par Google est destiné à la prochaine génération d'appareils, dont les premiers exemplaires sont attendus d'ici la fin de cette année. Le grand responsable du projet, Steve Horowitz, a profité d'une assemblée de développeurs de Google à San Francisco pour lever une partie du voile sur ce qui sera Android une fois installé dans un appareil. L'une des fonctions qui a suscité des applaudissements de la foule repose sur Google Street View, un service déjà existant de photos des rues des grandes villes du monde. En combinant ce service à une boussole ou à un accéléromètre, l'utilisateur a l'impression que l'image évolue au gré de l'orientation du téléphone. Cette démonstration peut être vue sur YouTube d'ailleurs. Le lien est sur unechance.com, l'article s'appelle « Le rideau se lève un peu sur Android de Google ». Donc, les spectateurs ont également pu s'apercevoir que la navigation se faisait du bout des doigts grâce à un écran tactile semblable à celui du iPhone. Autre innovation, un système d'authentification qui oblige l'utilisateur à entrer un code en reliant des points dans le bon ordre. Au lieu d'avoir des codes à chiffres, c'est un code en glissant sur des carrés ou des bulles. Le système intègre aussi d'autres fonctions propres à Google, comme la gestion du courrier Gmail et le service Google Maps. Cette démonstration ne se voulait pas un lancement officiel. Au contraire, Steve Horowitz s'est amusé à garder le secret sur plusieurs applications qui sont en cours de développement. Il y a quelques mois, Google a conclu une entente appelée Open Handset Alliance avec plus d'une trentaine de sociétés dans le but de produire un système d'exploitation ouvert et libre qui serait offert à toutes les grandes compagnies de téléphones. Il sera donc possible de trouver dans quelques années des dizaines de cellulaires différents utilisant tous la même plateforme de base, mais offrant des services particuliers et adaptés à chaque entreprise de téléphonie. Mais pour l'instant, Android demeure une espèce de laboratoire expérimental où tout est permis. Des chercheurs de l'Université de Sherbrooke ont dévoilé ce qu'ils appellent leur télérobot. Et il s'agit effectivement d'un engin muni d'un système de vidéoconférence et d'une caméra haute définition destinée à faire avancer le domaine de la télésanté. L'engin en question est le fruit des efforts de nombreux spécialistes en génie électrique, en génie mécanique et en sciences cliniques. Selon le communiqué, il s'agit d'une première mondiale puisque jusqu'à maintenant, personne n'a inventé de robot mobile destiné aux soins de santé à domicile. Le robot en question a été conçu pour être installé chez une personne dont l'état nécessite des soins de santé poussés de la part de plusieurs spécialistes. Opéré à distance, il permet par conséquent à des thérapeutes d'évaluer les capacités d'un patient dans son environnement et de faire un suivi rapproché sur ses besoins. Il permet aussi aux spécialistes de la santé d'interagir avec le patient et, au besoin, de le suivre à la trace dans ses déplacements. L'un des responsables du projet, spécialiste en télésanté et professeur à l'Université de Sherbrooke, reconnaît que dans sa forme actuelle, l'engin a une drôle d'apparence. Et je cite, « Nous l'avons assemblé de cette façon uniquement pour prouver notre concept. Des tests ont été réalisés avec succès auprès de dizaines de personnes, opérateurs et cliniciens, avec ou sans formation. Nous travaillons maintenant à construire un deuxième prototype dont l'apparence sera totalement différente et qui se rapprochera de l'étape de pré-commercialisation. Idéalement, le prototype de deuxième génération pourrait voir le jour d'ici 2010 si les fonds nécessaires sont disponibles pour poursuivre son développement. Le télérobot est conçu pour demeurer chez une personne environ 2 mois et permet par le fait même une prise en charge différente et complémentaire de la prise en charge habituelle. Il se veut l'extension électronique de l'équipe de cliniciens. Compte tenu des conditions actuelles et de l'évolution des technologies reliées à la robotique, ce type d'engin pourrait coûter environ 12 000 $ dans sa forme initiale, finale. Selon de nombreux spécialistes, la télésanté est appelée à se développer rapidement puisque dans tous les pays, la proportion de personnes âgées est en forte croissance. Si vous avez besoin de vacances mais manquez de temps ou d'argent, sachez que désormais vous pouvez faire le tour de l'Australie en 30 minutes. Tour virtuel, bien sûr, dit Reuters. Deux artistes australiens ont présenté à Melbourne, dans le cadre du Next Wave Festival, la performance Holiday, véritable programme de vacances virtuelles qui, pour 10 $ australiens, permet de faire étape dans les différents sites touristiques incontournables du pays. 12 candidats au voyage peuvent embarquer en même temps pour participer à cette expérience multisensorielle qui sollicite, en plus de la vue, le toucher et l'odorat. Tout débute comme un voyage classique, formalité d'embarquement, contrôle de sécurité, mais avant de s'installer dans leur siège d'avion, les participants doivent retirer leurs chaussures. Les 4 membres de la distribution jouent le rôle du personnel de bord, présentant les consignes de sécurité et distribuant aux passagers les lunettes vidéo qui leur permettront de se projeter dans des destinations virtuelles comme le Harbour Bridge de Sydney, en plein milieu du bush, ou une plage de sable fin située dans l'arrière-pays, ou encore une forêt pluviale tropicale dans un casino. Quand le voyageur marche dans le sable, les accompagnateurs parsèment des grains de sable sur ses pieds et pulvérisent de l'eau autour pour imiter les embruns, a expliqué l'une des deux artistes à l'origine de ce projet. À bord, chaque participant se voit également proposer un repas, les emballages des aliments étant parfumés de façon à correspondre aux images diffusées, avec par exemple une odeur d'eucalyptus lors de la promenade dans le bush ou un parfum de crème solaire pour la balade sur la plage. Pour le Lara Toms, cette tentative de Smell-O-Vision permet à beaucoup de gens de véritablement se plonger dans le voyage virtuel. Rafraîchissant. Yohann de Broyer, l'inventeur ukrainien, a mis au point une canette de soda pouvant être refermée après utilisation. Enfin! Enfin! Maintenant qu'on a réglé le cancer et les autres choses importantes, on se plonge sur des choses moyennement importantes. Sous ses apparences banales, la canette baptisée Soda Seal révèle enfin un ingénieux système lui permettant de rester hermétique même après ouverture. En effet, outre l'ouverture de la languette d'aluminium, l'anneau traditionnellement situé sur la partie supérieure de la boîte peut également être pivoté afin d'actionner un disque étanche à l'eau et au gaz. Selon l'inventeur, le disque pourrait également servir de support publicitaire. Entièrement en aluminium, l'invention est recyclable et se veut donc concurrente des bouteilles en plastique de contenance équivalente. J'ai hâte de voir ça. Il y a une vidéo que vous pouvez aller voir là, en vrai sur zigonette.com, mais le lien complet s'appelle « Un Ukrainien invente une canette d'aluminium nouvelle génération ». C'est sur le www.unechance.com, le site de la connexion www.unechance.com. Voilà pour le bloc F5 Sciences et Technologies. Voici le top des jeux les plus cherchés sur le oneup.com, les jeux les plus populaires, qu'ils soient sortis ou pas. En cinquième position, on retrouve GTA 4, Grand Theft Auto 4 sur la PS3. En quatrième, c'est Super Dodgeball sur la DS. En troisième, Age of Conan sur le PC. En deuxième, Ninja Gaiden 2 sur la 360 ou la Xbox 360, comme ils disent dans les pubs de cornet de Camelot. Et la première place est un jeu sur PS3. Est-ce que vous l'avez deviné? Non. C'est Metal Gear Solid 4. 4. Voici Chocolat. Moitié homme, moitié loup. À la connexion 89.fm, restez avec nous. retour, les nouveautés en magasin et la bonne nouvelle, Phoenix. Dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Moi, c'est Mathieu Plante. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour parler, entre autres, de nouveautés en magasin cette semaine, de choses qui s'en viennent bientôt sur vos écrans, la bonne nouvelle CNX et un tour du net. Tout ça dans un mishmash de bonheur. Voici le Cat Empire. Yeah. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you. Cause, well, I've got two shoes, but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. Well, I see you in the distance with your friends. I look around, then I look down at my threads. It's inappropriate that I should present like a retired man. Slacks. Went to the barber, got my hair cut high. And I bought a ticket for the opera tonight. Well, I see you, your father's and your pride. It's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good. Connexion par technologie informatique et puis jeux vidéo aussi, des fois, au 89FM. Maintenant, voici la chronique bientôt sur vos écrans. On commence par les nouveautés en magasin cette semaine. Le soleil se fait attendre, mais au moins les bonnes sorties de jeux vidéo reviennent. DRGamers.com sur multiplateforme. Pour commencer, Lego Indiana Jones, The Original Adventures sur DS, PC, PS2. PS3, PSP, oui, et Xbox 360. Kung Fu Panda, ça se sort sur DS, PC, PS2, PS3, oui, Xbox 360, basé sur le film. Même chose pour The Incredible Hulk, sur DS, PS2, PS3, oui, et Xbox 360. Grid sort sur PC, PS3 et Xbox. Et Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy sort sur PS3 et sur Xbox 360. Sur la DS, une seule nouvelle sortie, c'est Summon Night Twin Age de Atlus. Sur PC, deux sorties, Stronghold Crusader Extreme de Gamecock. et Dracula Origin de The Avenger Company. Sur PSP, une seule entrée, Hot Shots Golf Open T2 de Sony. Et finalement, sur Xbox 360, un seul jeu, Ninja Gaiden 2 de Gaiden. Sur Xbox de Microsoft Game Studios. Ensuite, sur la console virtuelle et WiiWare de Nintendo, comme à chaque semaine, Nintendo ajoute de nouveaux jeux à ses services de console virtuelle et WiiWare. Sur le dernier, vous pouvez maintenant mettre la main sur Protothia pour un seul joueur à 1000 points, oui, et Tokitori pour 1000 points pour un seul joueur et deux joueurs aussi là, de multijoueurs, je ne savais pas. Les nostalgiques pourront quant à eux se tourner vers Ninja Combat avec 900 points pour un ou deux joueurs sur la console virtuelle. Les descriptions des jeux d'ailleurs sont sur l'article de Argamers sur lunchance.com. On parlait un petit peu plus tôt des Ubi Days qui se sont déroulés la semaine dernière là, au musée du Louvre de Paris. Ils ont été l'occasion pour Ubisoft de présenter ses futurs titres à la presse, notamment le prochain opus de la série Prince of Persia, le successeur du mythique Beyond Good and Evil ou encore le deuxième épisode de Far Cry. D'autres titres ont été présentés au cours de cet événement, à savoir Tom Clancy's End War, Tom Clancy's Ox, Brothers in Arms Hell's Highway, Shaun White Snowboarding et Rayman Raving Rabbids TV Party. Sans plus tarder, donc les extraits vidéo sont sur le site unechance.com. L'article s'appelle Ubi Days, les prochains jeux d'Ubisoft en vidéo. Des vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez aller poster des commentaires et lire les commentaires des autres aussi sur YouTube. Preuve que l'industrie change afin de tirer profit de l'émergence du marché des joueurs occasionnels, Ubisoft concevra la suite du jeu Beyond Good and Evil dans l'optique de l'offrir au plus grand nombre de joueurs possible. C'est du moins ce qu'a déclaré le président de la firme française Yves Guillemot au cours d'une entrevue avec le site Next Gen. Nous avons vu avec Beyond Good and Evil que plusieurs consommateurs étaient très heureux avec le jeu, a dit Guillemot. Nous avions eu un auditoire différent à ce moment. Nous avions plus de joueurs invétérés que de joueurs occasionnels, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, selon lui, Beyond Good and Evil était un petit peu trop difficile pour les joueurs en général. Donc, Ubisoft a pris la décision de rendre la suite du jeu un petit peu plus accessible afin notamment que les joueurs occasionnels, les casual gamers, puissent avoir du plaisir en y jouant. Donc, il est en train de dire que les joueurs de Bejeweled et autres Zuma vont aimer le nouveau Beyond Good and Evil. Donc, bonne décision? Point d'interrogation, demande Argamers. Disons que ça risque de soulever des doutes pour les fans du jeu original, très certainement. Si on se fie à l'arrière du manuel d'instruction du jeu Lego Indiana Jones, LucasArts ne lancera pas qu'un seul jeu basé sur la série Star Wars l'automne prochain. En effet, en plus de Star Wars The Force Unleashed, la firme compterait mettre en vente un jeu vidéo basé sur la série animée Star Wars The Clone Wars pour les consoles Wii et DS. C'est du moins ce que laisse penser l'endo du manuel d'instruction. Tel que rapporté par le site IGN, attendez-vous donc à une confirmation en plus de détails de la part de LucasArts très prochainement. Namco Bandai Games a annoncé qu'elle fera revivre la franchise Splatterhouse. En effet, la firme lancera un tout nouveau jeu d'action de cette série l'an prochain sur les consoles 360 et PlayStation 3. Développé par Bottle Rock Entertainment, Splatterhouse suivra les aventures du jeune Rick Taylor alors que ce dernier doit porter secours à sa copine portée disparue depuis qu'elle est entrée dans le West Mansion. Confronté à de nombreuses créatures horrifiantes, Rick fera la rencontre d'un masque lui promettant de lui donner le pouvoir afin de retrouver sa copine. Néanmoins, lorsqu'il mettra ce masque, Rick se transformera en une pure bête de destruction, ne pensant qu'en fonction du chaos qu'il peut semer. Par ailleurs, le jeu mettra de l'avant un tout nouveau système qui vous permettra de voir les blessures de Rick afin de déterminer la sévérité de son état. À noter que si vous tombez au combat, vos ennemis arracheront les parties de votre corps et vous mutileront sans aucune gêne. Vous devrez alors faire appel au pouvoir de votre masque afin de voir les parties de votre corps se régénérer en temps réel, qui devrait donner droit à des scènes plutôt sanglantes et repoussantes. Capcom a annoncé que le jeu de combat Street Fighter 4 ne sera pas exclusif aux arcades. En fait, la firme compte lancer le prochain opus de la populaire franchise de Street Fighter sur les consoles Xbox 360 et PlayStation 3, ainsi que sur PC. Un petit rappel, Street Fighter 4 offrira des combats en 2D, mais mettant de l'avant des personnages en 3D, ainsi que des environnements dans la même dimension. Les contrôles traditionnels à 6 boutons de la franchise seront de retour et donneront droit à plusieurs nouveaux mouvements pour les personnages. D'ailleurs, Capcom a pour le moment confirmé le retour de Ryu, Ken, Dalsim, Guile et Chun-Li pour ce quatrième opus. Le tout sera accompagné de décors encore jamais vus dans la série Street Fighter, et de nouveaux systèmes qui approfondiront vos combats. Aucune date de sortie n'a encore été attribuée à Street Fighter 4, bien que le jeu ne soit pas attendu avant l'an prochain. Bonne nouvelle, le papa de l'Odyssée d'Alb, Lorne Lanning, a confirmé aux gens de chez Games Industries la rumeur lancée la semaine dernière par Jeff Brown, le cofondateur de Maxis. Il y aura donc bel et bien un nouvel épisode de la saga Oddworld un jour. Une nouvelle inespérée après l'abandon du pôle jeu vidéo de Oddworld Inhabitants en 2005. Aucune information concernant le nom, la date de sortie, les supports concernés ou le contenu du jeu n'a hélas été filtré à ce sujet. L'article vient de GameCult.com. Le site Teaser ou Agast de Resident Evil 5 a fait place à un vrai site officiel comprenant entre autres des images, deux vidéos et quelques maigres infos, mais rien qu'on ne savait pas déjà. Ce qu'on aurait bien voulu savoir en revanche, c'est la date de sortie, mais rien n'est précisé concernant ce petit détail. Resident Evil 5, allez voir le ResidentEvil.com pour les infos. J'ai posté quelques photos de Splatterhouse dont on parlait tantôt sur lechance.com. Pas plus tard que la semaine dernière, on annonçait que SimCity était en projet sur Wii. On en sait désormais un petit peu plus à son sujet. Le jeu qui s'intitulera SimCity Creator sortira sur Wii et sur DS le 19 septembre prochain. Bien qu'elles soient très différentes, ces deux versions bénéficieront d'un design commun pour certains bâtiments. Le jeu DS vous proposera de suivre le destin d'une communauté sur une longue période historique. À vous de la faire évoluer depuis l'âge de pierre. Entre autres nouveautés, la version Wii vous permettra de déclencher des catastrophes naturelles telles que des tornades ou des tremblements de terre en agitant la Wiimote. Ça va être génial. Créer puis détruire, donc, le slogan de SimCity Creator sur la Nintendo Wii. À travers un document financier, Activision a dévoilé le développement de Guitar Hero Metallica, prévu pour le premier trimestre de 2009. De ce fait, le jeu sortirait après Guitar Hero World Tour, prévu pour la fin de l'année 2008. On peut donc penser que Guitar Hero Metallica sera basé sur le moteur de GTA 4, contrairement à, par exemple, Guitar Hero Aerosmith, qui va être basé sur l'autre Guitar Hero qui est présentement en magasin. Aucune plateforme n'a été précisée, par contre, pour Guitar Hero Metallica. Pour la première fois de son histoire, Nintendo propose aux joueurs de télécharger du contenu additionnel pour un de ses jeux, donc ce 2 juin est la date à marquer d'une pierre blanche, puisque l'éditeur fait un pas significatif vers le online en donnant l'occasion aux joueurs, oui, de télécharger une nouvelle arène pour Mario Kart. Celle-ci se compose d'un simple anneau sur lequel les joueurs doivent tenter d'éjecter 4 ennemis en un temps record. On espère que cette première tentative soit rapidement suivie par d'autres du même genre et que Nintendo puisse aussi trouver un moyen de stocker ces contenus. On parlait de Guitar Hero il y a quelques secondes. Activision a dévoilé une partie de la tracklist de Guitar Hero Aerosmith, la prochaine édition de son jeu de guitare qui sera forcément consacré au célèbre groupe de rock. Mais puisqu'il sera évidemment possible de retracer en musique la carrière de la bande à Tyler, il sera aussi question de jouer d'autres morceaux. Les invités feront aussi office de première partie avant chaque concert d'Aerosmith. Donc voilà quelques-uns des morceaux que vous pourrez entendre et donc reproduire. Comme vous pouvez le constater, ces premières parties ne sont pas non plus les petits groupes du coin dont tout le monde se fiche, mais des noms assez connus. Quelques nouvelles images ont aussi été diffusées. Vous les retrouverez dans l'article sur lechance.com. On parle entre autres de Mudd the Hoople, Cheap Trick, Joan Jett, The Kinks, The Clash, New York Dolls, Lenny Kravitz, The Black Crowes, The Cult, Run, DMC et Run DMC featuring Aerosmith. Donc allez voir la liste sur lechance.com. Maintenant, voici les jeux les plus vendus au Japon selon Media Create. On commence par les consoles. En 6e, Xbox 360, 5e, PlayStation 2, 4e, PlayStation 3, 3e, Nintendo DS, 2e, Nintendo Wii et 1ère, c'est PSP. Encore une fois, la PSP est devant les consoles de Nintendo. Du côté des jeux, en 5e position, on retrouve un jeu assez obscur pour nous, Heracles No Echo sur DS. En 4e, c'est Wii Fit sur la Wii. En 3e, Mario Kart Wii sur la Wii. En 2e, Monster Hunter Portable Second G sur la PSP. Et le jeu le plus vendu est sur DS. Étrangement, parce que les consoles sont plus... C'est la PSP qui est la plus vendue dans les consoles, mais bon. Il faut croire que les gens n'ont pas tous une DS, n'ont pas tous une PSP, mais ils ont tous une DS, donc ils achètent tous des jeux de DS. Le numéro 1, donc, c'est Let's Make a Pro Baseball Team sur Nintendo DS avec 59 000 ventes. C'est d'ailleurs sa première semaine. Maintenant, ben, le temps file. Voici les bonnes nouvelles CNX. Depuis avant-hier, depuis le 1er juin, les billets d'avion en papier ne sont qu'un souvenir. Les compagnies aériennes du monde entier ont en effet convenu de passer au numérique pour l'émission de billets. L'Association internationale du transport aérien, qui regroupe 240 compagnies aériennes à travers le monde, représentant 94% de toute l'industrie, avait prévu dès 2004 la fin des billets en papier pour cette année. D'ailleurs, la presque totalité des compagnies aériennes sont déjà passées à l'ère du numérique pour l'émission des billets d'avion. Cela dit, l'adoption de nouvelles technologies ne s'est pas faite au même rythme partout. L'Afrique est à la traîne avec 87% des compagnies aériennes qui ont fait le saut, contre 95% en Europe et 97% en Amérique. Le mois dernier, seulement 5% des billets aériens vendus à travers le monde ont été imprimés sur du papier. L'IATA estime qu'une fois complété, le passage au numérique fera économiser beaucoup d'argent à l'industrie tout en protégeant l'environnement. Selon un porte-parole, les économies seront de l'ordre de 3 milliards de dollars par année puisqu'un billet papier coûtait au total 10 dollars en frais de toutes sortes. Le billet électronique coûte seulement 1 dollar, sans compter que 50 000 arbres pourront être épargnés chaque année. Plusieurs observateurs s'attendent à des problèmes mineurs d'adaptation au cours des prochains jours, mais ils estiment que ce changement était nécessaire. L'évolution des technologies dans ce secteur d'activité n'est pas terminée. Afin d'éviter que les passagers impriment leurs billets électroniques sur du papier, plusieurs grandes sociétés aériennes ont commencé à envoyer à leurs clients leurs cartes d'embarquement sur leur appareil cellulaire. Autre bonne nouvelle cette semaine, la compagnie Best Buy, la plus grande chaîne de vente de détail aux États-Unis dans le secteur de l'électronique, a annoncé le lancement d'un programme expérimental pour recycler les vieux appareils. Dans un premier temps, ce programme va s'appliquer dans plus d'une centaine de magasins à travers 8 États et éventuellement à tous les autres si l'expérience se révèle positive. Dans une entrevue à l'Associated Press, l'un des porte-parole de l'entreprise a expliqué qu'il fallait avancer étape par étape. Et je cite, « Nous voulons prendre le temps nécessaire pour évaluer si nous pouvons aller de l'avant sans trop de problèmes. Nous savons que la demande existe et qu'il s'agit d'un véritable problème pour l'environnement. Nous croyons que tout le monde doit faire sa part, incluant le consommateur, le détaillant et le fabricant. Le consommateur pourra rapporter jusqu'à 2 appareils désuets par jour. » Pourquoi une limite, je sais pas. Mais bon. La liste des objets acceptés inclut les vieux ordinateurs, les moniteurs et les téléviseurs dont l'écran est de 32 pouces ou moins. Les vieux micro-ondes ou les vieux appareils de climatisation ne seront pas acceptés. Ceux et celles qui luttent pour la protection de l'environnement estiment qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Plusieurs espèrent que cette initiative sera suivie par d'autres grands détaillants, notamment Walmart et Circuit City, dont les ventes de produits électroniques sont considérables. Depuis quelques mois déjà, plusieurs grandes sociétés ont déjà des programmes spéciaux reliés à la protection de l'environnement. Plusieurs fabricants et détaillants, dont Best Buy, acceptent de reprendre les vieux cellulaires, les vieilles batteries ou les cartouches d'imprimantes vides. Les produits électroniques périmés constituent un problème écologique majeur, selon Greenpeace. Tous les ans, nous nous débarrassons de 20 à 50 millions de tonnes de produits électroniques sans même connaître leur destination finale. Voilà pour le bloc des bonnes nouvelles CNX. Maintenant, rapidement, entre deux chroniques, voici la chronique Spam, Spam, Spam, où je vous lis les messages que j'ai reçus en spam cette semaine. Jersey SPH m'a envoyé ce message. Vous avez certains problèmes de yeux. C'est écrit en anglais, évidemment. Arrêtez d'utiliser du taladalafil. Taladalafil. Si vous avez de la perte de vue, de vision, que vous cherchez de l'aide médicale tout de suite, Cialis d'une pharmacie qui croit qu'il faut fournir des services excellents au prix les moins chers. Voilà. Et de Janine Gallagher, j'ai reçu ce message. Mel, check-moi ce site, ça pourrait t'aider. Ils ont même du DCF là aussi. OK, du DCF, bien sûr. Moi, j'ai besoin de DCF. J'ai du DCF, mais oui. Donc, ça, c'est mon spam, spam, spam que j'ai reçu cette semaine. Sur le site de l'émission, je vous ai laissé quelques jeux pour le bureau, dont Blubbler, Star Drone, Out of Your Mind, Applicate, Go-Go Plant et Boom Blocks Flash. Une démo de Boom Blocks. C'est Boom Blocks, le jeu sur la Wii fait par Steven Spielberg. Allez jouer à une version Flash. C'est sur un site allemand, je crois. J'ai passé aussi Utilitruc, quelques logiciels et ajouts à votre furteur que vous pouvez utiliser, dont Fire NES, qui vous permet de jouer des jeux de NES sans télécharger de logiciel. Ça va être dans votre Firefox. Fireness. Il y a aussi un truc, comment faire votre propre clavier illuminé, hein, avec des petites lumières qui coûtent environ entre 5 et 10 $. C'est sur la section Utilitruc du unechance.com. Maintenant, petit tour du net. On va faire ça assez rapidement si ça vous dérange pas. Voici donc, autour du net. S'en passe donc des choses sur cet internet. Comment faire peur aux gens avec un écran, un plein écran qui s'affiche? Donc, quand Flash Player 9, la nouvelle version de Flash, s'en va en mode plein écran, il vous montre un petit message de sécurité qui vous dit comment sortir du mode plein écran. Bon, ça vous dit faites escape pour sortir de là. Mais c'est du texte blanc sur un fond semi-transparent noir. La plupart du temps, on peut le voir sur pas mal de surfaces. Mais quelqu'un a essayé de faire un test pour faire une blague à quelqu'un, de cacher le mot, la façon de sortir du plein écran. Donc, allez voir ça. Il y a aussi le code source qui est disponible, vous pouvez le partager, le modifier. Donc, c'est sur lunchance.com. Il y a aussi, mesdames et messieurs, Master Chief en ballon. Donc, c'est un homme qui fait des sculptures en ballon de Master Chief, de Mario, de plein d'autres choses, mais pas des animaux, apparemment. Donc, c'est le Balloon Guy qu'on appelle ce gars-là. BalloonGuyEntertainment.biz, c'est son site. Allez voir l'article pour un exemple et pour le lien. The Camera Flash Experiment, c'est la nouvelle expérience de Improv Everywhere, ceux qui avaient fait le Improv, le Freeze Grand Central. Cette fois-ci, c'est des gens qui ont allumé leur téléphone cellulaire, je crois. 700 agents sur le Brooklyn Bridge pour faire la vague. C'est quand même beau, le 125e anniversaire du Brooklyn Bridge. Rapidement, vous vous rappelez la vidéo du gars qui sautait dans des jeans en faisant des culbutes? Ben, en fin du compte, c'était vraiment une publicité virale pour les Vice. C'est ce que tout le monde disait, dont Dominique Carpin, et en fin du compte, ils avaient tous raison. Donc, c'était une belle affaire. Je vais vous dire juste le titre des autres. Tegaki, un blog fait à la main. Des consoles en papier, paper console. Une entrevue avec le gars qui a fait le clip de Weezer avec toutes les modes d'Internet dedans. Des icônes merveilleux pour votre site web de DeviantArt. Un poster avec 56 sortes de geeks dessus. Donc, c'est très, très beau à voir. Mais là, c'est la fin de la collection pour cette semaine. On doit déjà se quitter. Allez voir leunechance.com pour tous les liens de l'émission pour télécharger la balado diffusion à chaque semaine. Moi, je vous retrouve au poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous, c'est les vendredis matin à 10h. Et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à partir de 17h. La collection est toujours en direct les mardis de 11h à 13h. On rappelle les jeudis à 11h et les lundis à 10h. De la part de toute l'équipe fictive de la collection, faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance. Bye bye. Dash.com.